Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel mot pour désigner le messager à l'époque paléo-babylonienne? Quel était le rôle des coureurs? Quelle distance parcouraient-ils? Comment les lettres étaient-elles acheminées, demande l'assyriologue Dominique Charpin, qui utilisait la poste. Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, nous entraîne du côté de Marie, mais aussi de Babylone, dans une grande enquête autour de la correspondance à Marie entre 2000 et 1600 avant notre ère. Et dans les cours précédents, il a mis en lumière le processus de rédaction et de lecture des lettres, qu'elles soient privées ou administratives ou diplomatiques. Après avoir été épigraphiste de terrain, en Syrie et en Irak, Dominique Charpin travaille depuis 2015 avec la mission américaine qui a repris les fouilles à Ur. Il est notamment l'auteur de Hammurabi de Babylone en 2003 et de Lire et écrire à Babylone en 2008. Il est coéditeur des Archives royales de Marie, corpus qu'il parcourt et met en lumière avec passion. Nous suivons le parcours des lettres tablettes d'argile en écriture cunéiforme. Et cette écriture porte son nom en raison de l'apparence des signes qui résultent de la combinaison de coins ou de clous formés par l'impression d'un calame en roseau sur une tablette d'argile. Nous avons découvert le grand rôle des scribes face à des élites que l'on suppose bilingues, quand la langue de l'écrit est l'acadien à côté des dialectes régionaux. Dominique Charpin indique que la plasticité de l'argile permettait une très grande variété de formes selon les époques, les genres et le texte. Nous avons vu que ces lettres tablettes pouvaient être sous scellés et sous enveloppe, il fallait garder le secret. Aujourd'hui, l'épigraphiste interroge donc les conditions de transport, les figures du simple porteur de messages au coureur endurant, l'apparition des premiers cavaliers, le porteur de bonnes nouvelles, personnage en soi. Fidèle à son approche, au plus près des textes, Dominique Charpin interroge les mots, les pratiques qui jaillissent d'une lettre, d'un témoignage, le nombre de messagers mobilisés. Quels dangers pouvaient guetter ces messagers et leurs lettres tablettes? Pouvaient-ils être arrêtés? Mais aussi, quelle était la fiabilité de ces coureurs acheminant messages écrits ou oraux? Comment les marchands, dotés d'une immunité qui circulait librement, pouvaient-ils être aussi, à l'occasion, de discrets porteurs de messages? En dépit de toutes les précautions, les lettres pouvaient être interceptées, notamment en cas de conflit, et parfois, les porteurs de missives devaient rebrousser chemin pour protéger les précieuses informations qu'ils transportaient. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 14 juin 2017 pour le cours de Dominique Charpin, Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, comment les lettres étaient-elles acheminées? Les conditions dans lesquelles les lettres étaient acheminées à leur destinataire sont suffisamment variées pour qu'il vaille la peine de leur consacrer un cours entier, qui est placé logiquement entre la phase de rédaction et celle de la lecture du courrier. Une étude a été publiée par Bertrand Laffont il y a 20 ans à ce sujet. Elle n'était pas tout à fait complète et surtout de nombreuses données supplémentaires sont disponibles depuis. Nous allons commencer par examiner la riche nomenclature décrivant le métier de messager. Puis nous verrons comment coexistaient des porteurs investis d'une mission personnelle, d'un côté, et puis, par ailleurs, un service de la poste qui était chargé d'acheminer le courrier. Et nous terminerons en examinant quels dangers ces messagers pouvaient courir, en particulier en temps de conflit. Si l'on considère le vocabulaire employé pour désigner des messagers, on ne peut manquer d'être frappé par sa richesse. Plusieurs mots ou expressions sont attestés, et la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure ces mots sont synonymes ou, au contraire, s'ils apparaissent côte à côte et doivent donc être distingués comme renvoyant à des réalités différentes. Il faut donc analyser ce vocabulaire en contexte et on peut distinguer quelques éléments d'opposition qui me semblent être l'angle d'approche le plus intéressant. Premièrement, différencier les messagers en fonction de leur statut. Le terme le plus fréquent est de loin celui de marchiprime. Chaparum, c'est le verbe qui signifie envoyer un message, le message se disant chiproum, mais il faut bien se rappeler que même si contextuellement beaucoup d'emplois de chiproum et de chaparum renvoient à des messages écrits, en tant que tel, le verbe et le substantif n'ont pas de rapport entre, n'ont pas de différence selon qu'il s'agit d'une communication orale ou d'une communication écrite. Et donc, un marchiprime peut très bien être le porteur d'un message oral qu'il aura appris par cœur au départ et qu'il restituera à l'arrivée. Donc, la présence d'un marchiprime ne suppose pas forcément l'existence d'une tablette. Et même lorsque le message était transmis sous forme de lettre écrite, le marchiprime n'était pas seulement chargé de transporter la tablette. Il devait être capable de discuter avec le destinataire de la lettre. On a de nombreux exemples de cela. Et c'est la raison pour laquelle on a parfois parlé à leur sujet d'ambassadeur, ce qui pose néanmoins un problème parce que la notion actuelle d'ambassadeur suppose une résidence permanente dans une capitale, et cela n'est que très rarement attesté à l'époque amorite. On a une variante, au lieu d'avoir marchiprime, on a chachipirtim, avec le pluriel chachipiratim, littéralement celui du message, et on ne voit pas, dans les différents emplois de ce mot, de différence avec marchiprime. Très différente est la situation du simple porteur de tablette en acadien Wabil Tupim, qui désigne donc un simple facteur, et que l'on pouvait accessoirement charger au retour d'autre chose que d'une tablette. Par exemple, on a ce texte adressé à Moukanishoum, qui dit ceci: « Prenez connaissance maintenant de cette tablette de moi et confiez les outils à celui qui la porte. » Autrement dit, le porteur de tablette à l'aller transporte une tablette. Dans la lettre, il y avait comme ordre de livrer un certain nombre d'outils. Et au retour, le personnage sera chargé non pas d'une tablette, mais de convoyer les outils en question. Il ne faut toutefois pas faire une différence trop marquée entre ces deux termes de marchiprime, messager, et de wabil tupim, porteur de tablette. Par exemple, une lettre de Yamtsoum, qui était le commandant de la garnison mariotte dans la ville d'Ilansoura, en Syrie du Nord-Est, écrite au secrétaire de Zimrilim, comporte cette demande: « Envoie-moi rapidement mon messager par qui je fais porter des tablettes à mon seigneur, ne le retiens pas, il n'y en a pas d'autre dans mon district et jusqu'à ce qu'il me rejoigne, mes yeux seront tournés vers lui. » Et donc, vous voyez qu'il est question de « mon messager par qui je fais porter des tablettes » et donc, d'une certaine façon, les deux termes qu'on a tenté d'opposer ici se trouvent réunis. Deuxième critère de distinction, le mode de locomotion. Les textes mettent parfois l'accent sur la rapidité avec laquelle le messager se déplacera. Et nous avons deux termes qui correspondent à cette situation. Le premier est celui de rakboum, qu'on peut traduire par cavalier. Il s'agit de gens montés le plus souvent sur des ânes. Les chevaux commencent à apparaître au XVIIIe siècle avant notre ère, mais de façon très limitée. Et on a par exemple une lettre de Boukakoum qui indique le passage de messagers de ce genre sur la route entre Babylone et Marie. « Six cavaliers de mon seigneur, ainsi que deux cavaliers babyloniens, viennent de passer par ici. Ils étaient porteurs d'un message d'Ibalpiel. » Et on peut supposer que ce message était suffisamment urgent pour qu'on ait besoin de cavaliers pour le transmettre. Au contraire, les Lassimoum, littéralement coureurs, étaient des gens qui couraient à pied, mais qui se déplaçaient particulièrement vite. L'insistance sur la rapidité nécessaire apparaît dans pas mal de lettres. Par exemple, celle-ci qu'envoie Sammétar au moment où il négociait une alliance avec le roi de Courda. Et il termine sa lettre en disant « Quelles sont les consignes ? Il faut que Monseigneur me l'écrive et que rapidement des gens légèrement équipés me fassent parvenir réponse à ma tablette pour que je fasse tout ce que me dira Monseigneur. Le 6 du mois d'Aboum, tôt le matin, étant à Kassapa, j'ai fait porter cette tablette chez Monseigneur. » Et vous voyez au passage que l'indication du lieu et du moment où la lettre a été envoyée correspond à ce qu'on avait déjà vu. C'est lorsqu'il y a des besoins particuliers que cela figure. Et ici, c'est pour que le roi sache combien de temps le message urgent a mis à lui parvenir. La vitesse n'était pas le seul critère. Il fallait aussi de l'endurance. C'est ainsi que lorsque la ville de Razama était assiégée, Yamtsoum, toujours lui, rappela au roi les instructions qu'il avait reçues. « Monseigneur m'a écrit ceci. Écris-moi d'urgence toute nouvelle qui te parviendra. En outre, veille au choix du porteur de ta tablette, donc un Wabil Tupim, qu'il soit résistant. » Autrement dit, quelqu'un qui puisse aller non seulement vite, mais voilà, on est dans le cadre de plus qu'un marathon, parce que entre Ilan Soura et Marie, on a plusieurs centaines de kilomètres, donc quelqu'un qui vraiment doit pouvoir aller vite et tenir le coup. Donc voilà deux façons de différencier les messagers, mais on relève aussi un certain nombre de termes génériques, comme celui de Alikoum, littéralement celui qui va, celui qui fait route, qui peut désigner des messagers, mais aussi d'autres personnages qui voyagent. On a également le mot de Nashparoum, qui est employé rarement dans les textes de Marie, et on ne voit pas très bien quelle différence ça peut avoir par rapport au simple Marchiprime, mais on trouve ce terme sous le kalam du gouverneur de Sagaratum, Yakimadou. Et c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une affectation officielle. Naguère, lors du recensement, on n'avait pas mis à ma disposition de courrier Nashparoum. L'année qui suivit le recensement, trois hommes sont revenus à Sagaratoum et se sont mis à mon service. Ces hommes amènent à bon port chez Monseigneur mon courrier. Donc c'est manifestement un autre terme équivalent ici à celui de Marchiprime. Et puis, il existe des termes spécialisés dont le sens est plus ou moins sûrement établi. Les choses sont claires en ce qui concerne le mot « mutabritum ». Il s'agit de quelqu'un qui est chargé de l'annonce d'un déplacement. L'annonce d'un déplacement, c'est quelque chose qui est obligatoire lorsque une caravane, un groupe de personnes va aller d'un royaume dans un autre. Il faut l'annoncer à l'avance par ce qu'on appelle donc en acadien un tabritum, et le mutabritum, c'est le messager qui est chargé de procéder à cette annonce. Un exemple, dans une lettre de Yassimel, « Belchounou et moi, nous sommes rendus à Karana, et avant même notre arrivée à Karana, des gens chargés de m'informer du déplacement d'Askouradou sont arrivés vers moi, et ils ont déclaré, et ainsi de suite. » Donc ces gens chargés de m'informer du déplacement, c'est ainsi, par cette périphrase en français, que l'on traduit ce terme de « mutabritum ». Ce qu'on voit bien, par conséquent, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une forme de messager spécialisé, comme le sont les coureurs à pied d'un côté ou les cavaliers de l'autre, mais il s'agit d'un terme qui décrit un rôle particulier joué à l'occasion par un messager. Donc n'importe quel messager peut être mutabiritum, il devient mutabiritum au moment où on le charge de faire une annonce de ce genre, et on verra tout à l'heure qu'il en va de même pour un autre mot qui est celui qui désigne les porteurs de bonnes nouvelles, les mubassirum. J'en viens à la question du service de la poste. Un texte inédit récapitule l'enrôlement, ce qu'on appelle en acadien la piquitum, des soldats effectués dans les jardins de Sagaratum le 8 du mois 12 de l'année 9 de Zimrilim, et c'est un document qui est doublement important. D'abord parce qu'il nous donne les termes qui désignent dans ce contexte des messagers, et on en trouve deux seulement, celui de Shashipiratim d'un côté et celui de Lassimu de l'autre. Mais l'intérêt principal de cette tablette, c'est de nous donner le chiffre des messagers qui sont mobilisés à un moment où Zimrilim part avec toute son armée en direction du royaume d'Alep pour apporter son aide au roi Yarimlim. Et vous voyez que on a 100 messagers du type Shashipiratim et 64 coureurs Lassimum. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait inattendus. Jusqu'à présent, personne n'avait émis d'hypothèse quant au nombre de courriers ayant existé dans le royaume de Marie, mais c'est un chiffre qui est malgré tout tout à fait impressionnant. Alors la question qui se pose, bien sûr, c'est de savoir si il s'agit d'une situation exceptionnelle qui reflète le moment précis de ce départ en campagne ou pas. Eh bien, la réponse est non. Ces chiffres, en effet, peuvent être comparés avec un autre qui est limité au seul district de Sagaratum et qui montre l'existence dans ce district de 19 messagers Shashipirtim et de 22 messagers du type Lassimum. Nous savons qu'il y a dans le royaume de Marie trois districts centraux, celui de Marie, la capitale, celui de Terka et celui de Sagaratum. On a deux provinces périphériques, mais qui ne sont pas soumises au recensement. D'un côté, Katounan, sur le Habour, et au contraire, sur l'Euphrate en aval de Marie, la région du Souroum. Mais donc, ces recensements ne touchent que les districts centraux, et donc, si l'on fait une règle de 3, eh bien, on voit que si à Sagaratum on a 19 et 22, c'est un chiffre qui est, si on le multiplie par 3, on obtient à peu près le total de ce que nous indiquait la grande tablette générale. Et par ailleurs, on a un document administratif dans lequel le service des coureur Lassimum donne le chiffre de 64, c'est-à-dire pratiquement le même que celui de la tablette dont j'ai parlé. C'est un texte malheureusement dont on n'a pas la date, il est possible qu'il corresponde au même moment. Donc, si l'on en revient à ce rôle militaire, nous voyons que 164 messagers pour 4145 soldats, ça donne une proportion qui est tout à fait importante et qu'on retrouve dans un texte découvert à Tel Bia, qui lui donc date de l'époque de Yasmaradou, et on voit que pour le rapport est sur cette tablette de 123 soldats, il y a 6 messagers Shashipiratim, donc quelque chose qui est à peu près du même ordre de grandeur. Autrement dit, le rôle militaire n'est nullement le résultat d'une situation exceptionnelle. On mobilise simplement les individus qui sont habituellement chargés du transport du courrier. Ce service de la poste semble avoir été exclusivement réservé au roi et à ceux qui étaient à son service. Mais par ailleurs, on voit qu'il existait des détachements de coureurs dans les principales capitales qui étaient prêts à porter les lettres urgentes. C'est ce qui ressort en particulier d'une lettre du chef de musique Waradi Lichou, envoyé en mission à Alep, et qui écrit ceci: « L'expédition de Monseigneur va bien. Le jour où j'ai fait porter chez Monseigneur cette tablette de moi, je suis entré à Alep. Le jour où en personne je suis entré à Alep, on a donné des instructions au courrier, donc les Lassimous, au service de Monseigneur qui réside à Alep, et on les a expédiés vers Monseigneur. Donc apparemment, il y avait ce groupe de personnes qui étaient en attente, et dès qu'on leur donne l'ordre de partir avec une tablette, ils se dépêchent aussitôt. J'en viens maintenant à la question de la gratification des messagers, gratification à laquelle ils avaient droit en temps ordinaire, mais particulièrement lorsqu'ils étaient porteurs de bonnes nouvelles. Il était d'usage de donner une gratification à des messagers. En témoigne une lettre de reproche, vous me direz encore une, adressée par Samsiadou à son malheureux fils Yasmaradou, où le grand roi reproche à son fils ses gaspillages, et il ajoute « Lorsqu'un messager de moi montera chez toi, que lui donneras-tu? Pourras-tu leur donner argent blanc ou grain? Où se trouveront argent et grain de toi que tu pourras leur donner ?» Ce qui sous-entend donc que une rétribution en argent ou en nature était la norme lorsqu'on recevait des tablettes via un messager. Cette coutume donc générale de rétribuer les messagers, elle est battue en brèche lorsqu'un roi, décrivant la misère qui est la sienne, demande au roi de Marie de ne pas rétribuer le messager qui lui apporte sa tablette. Alors le texte est tout à fait amusant. C'est une lettre d'Ibaladou, le roi d'Ashlaka, qui écrit ceci. « S'il plaît à Monseigneur, il ne faut pas que Monseigneur donne un cadeau à mon serviteur. Voilà que j'avais emprunté 2 cycles d'argent et j'avais voulu les donner aux messagers de Monseigneur, mais ils n'ont pas accepté en disant « c'est trop peu ». Alors, on songe évidemment au problème de bakchich ou autre pourboire, n'est-ce pas ? Si on donne trop peu, il y a des gens qui peuvent s'en offusquer et dire « non, non, non, non ». Et alors ici, l'affaire est retournée puisque du coup, le roi Ibaladou, vexé, demande au roi de Marie de ne rien proposer à son propre messager. L'annonce de bonnes nouvelles était parfois explicitement soulignée, comme dans cette lettre de Zuhadnim qui écrivit sur la route entre Imar et Marie qu'il envoyait 2 individus en avant. Les nouvelles dont ils sont porteurs pour Monseigneur sont particulièrement bonnes. Mais la lettre ne dit pas de quoi il s'agit. On trouve aussi dans une lettre de Sametar cette indication « Ishkunadou m'a fait porter une tablette. Sans doute a-t-il remporté la victoire et en a-t-il fait porter la bonne nouvelle chez moi ?» Mais ensuite, Sametar indique qu'il n'a pas ouvert la tablette, qu'il a fait suivre au roi directement. Donc là, il y a un suspense insupportable. Il existait donc, je l'ai déjà dit, un mot spécial pour désigner le porteur de bonnes nouvelles. C'est le mot « mubassirum » qui est construit sur la même racine que le verbe « bussurum » qui signifie « apporter de bonnes nouvelles » et les bonnes nouvelles sont désignées par le terme « bussurtum ». De façon très étonnante, le dictionnaire de Chicago a traduit le terme de « mubassirum » simplement par « messager ». Mais à partir des 3 mêmes références qui se figuraient dans le CAD, Fischer, dans un article paru il y a 25 ans, avait donné la bonne traduction « porteur de bonnes nouvelles ». Si vous regardez aujourd'hui le site Archibab, vous pourrez trouver non pas 3, mais 13 références, et ça n'est pas complet. Parmi lesquelles, je relève notamment cette lettre d'Askoudoum. Les Mubassirum qui me sont arrivés de chez les Bédouins ont passé la nuit chez moi. Jusqu'à ce que ces Mubassirum m'arrivent, je ne voulais pas croire à cette nouvelle, mais maintenant ces gens ont continué leur route vers Monseigneur, que Monseigneur se réjouisse. Donc il y avait eu des bruits comme quoi une victoire sans doute avait été remportée. Askoudoum ne dit pas dans sa lettre de quoi il s'agit. En tous les cas, donc. C'était des bruits seulement, mais cette fois-ci, il y a des messagers officiels et qui sont chargés de porter cette bonne nouvelle des Mubassirum. Alors, dans ce texte, au moment où Jean-Marie Durand avait publié la tablette, on n'avait pas beaucoup de références et il avait traduit Mubassirum par héros. Mais le terme de héros, depuis, est davantage documenté à Marie, et c'est le mot qu'on attend, celui de Nagirum. Donc ici, le contexte montre bien la connotation particulière de ce terme de Mubassirum. Simplement, donc, encore une fois, c'est un sens contextuel, c'est un messager, et il se trouve que ce messager porte des bonnes nouvelles. On trouve également dans les lettres de Tel Leilan récemment publiées deux références. La première, j'ai écrit à Monseigneur par des messagers Mubassirum à propos de la victoire que Yakun Hashar a remportée. Et la seconde, un serviteur de Ahidabar, messager Mubassirum, est venu chez Halourabi et il a parlé en ces termes, je viens de traverser jusqu'à Andarig avec une troupe de 6000 hommes, j'ai traversé parmi les Bédouins, parmi les moutons, cassures et les enclos des Bédouins, puis il y a une cassure, il n'y a pas, et ça se termine par réjouissez-vous, voilà ce qu'il a écrit à Halourabi. Donc, on a bien une lettre écrite à Halourabi, et qui est porté par un messager, Mubassirum, et c'est une nouvelle qui est cassée pour nous, mais qui était manifestement réjouissante. Donc, ce mot de Mubassirum a une connotation particulière en fonction du contexte. Alors évidemment, la question que vous vous posez, c'est a-t-on un terme symétrique pour le porteur de mauvaises nouvelles ? À ma connaissance, ça n'a pas encore été identifié et rencontré. Et c'est tout ce que je puis dire dans l'état actuel de l'enquête. D'une manière qui ne vous étonnera pas, les porteurs de bonnes nouvelles étaient particulièrement récompensés, comme le montre ce document administratif, un anneau en argent pour le serviteur de Rayasumu qui a apporté une bonne nouvelle, Boussourtam. Et je relève au passage ce contre-exemple qui est d'autant plus intéressant. Dans une lettre, Ilish Nadi est venu chez moi m'annoncer une bonne nouvelle, et c'est le mot Boussourum qui est ici employé, mais j'étais sans doute préoccupé et j'ai oublié de lui donner un vêtement. Donc voilà, ça montre que normalement, il fallait absolument donner une rétribution à quelqu'un qui vous apportait une bonne nouvelle. Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin, lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance, aujourd'hui, comment les lettres étaient-elles acheminées ? J'en arrive au deuxième volet du cours d'aujourd'hui, la question de savoir quand est-ce qu'on a affaire à un système de relais ou quand est-ce qu'on a affaire à un système de porteur personnel. Nous verrons qu'il y a des cas où on confie la tablette à un individu qui fera tout le trajet et qui donnera la lettre directement au destinataire, mais que, par ailleurs, il peut exister aussi un système de relais de poste, même s'il est encore rudimentaire. Le plus souvent, le porteur du courrier fait un aller-retour, comme le montre cette lettre, avec Sakkoum, le courrier Lassimoum, qui t'apporte ma tablette, mets-le en route et renvoie-le chez moi. Donc il est question d'une autre personne qui va faire le trajet-retour, donc le courrier fera bien l'aller-retour entre expéditeur et destinataire. Mais parfois, le trajet est un peu plus compliqué, comme le montre cette lettre d'un certain Kunaniya. Habduma Dagan m'a fait porter une tablette. La troupe est rassemblée à Ziniyan. Il a dit, je saute la citation, fin de citation, il m'a envoyé son serviteur et ce message. À présent, je viens d'envoyer à Monseigneur le porteur de sa tablette qui était venu chez moi, que Monseigneur l'interroge. Autrement dit, on a un trajet triangulaire. Le porteur de tablette a été envoyé par Hamdoumadagan à Kunaniya. Ensuite, Kunaniya l'envoie au roi Yesmaradou. Et finalement, on peut supposer que Yesmaradou le renverra à Hamdoumadagan directement. Bien souvent, on confie la tablette à des gens qui font le trajet de bout en bout et surtout qui connaissent bien le trajet. C'est particulièrement nécessaire quand il s'agit de traverser la steppe entre Katna et Mari, comme le montre cette lettre. Autre chose, deux Tadmoréens, c'est-à-dire des gens de Palmyre, sont porteurs d'une tablette d'Ishriadou depuis Katna vers le roi, c'est-à-dire Samsiadou. Maintenant, je les ai envoyés chez Monseigneur, c'est-à-dire Yesmaradou, que Monseigneur les interroge et les envoie ensuite chez le roi. Le trajet est particulièrement difficile, puisque pour aller de Katna à Mari, on passe par, sinon le désert, au moins la steppe syrienne. Et on voit donc que c'est à des gens de Palmyre, qui est à peu près à mi-chemin, qu'on confie le soin d'acheminer le courrier depuis Katna jusqu'à Mari, et ensuite jusqu'à Shubat Enlil, où résidait vraisemblablement Samsiadou au moment où cette lettre a été écrite. Un autre exemple, toujours à propos de la steppe entre Katna et Mari, deux hommes de Nazala me sont arrivés disant « Nous sommes porteurs d'une tablette urgente, voici que je viens de les faire conduire chez Monseigneur. » Eh bien, la ville de Nazala a été identifiée depuis déjà longtemps, il s'agit de l'oasis de Karyatayn, et on voit par conséquent que on est un peu plus près de Katna, et là encore, il s'agit de faire le trajet de Katna, sans doute en passant par Nazala, puis, ça n'est pas dit, mais certainement par Palmyre, et ensuite, on arrive sur le Moyen-Euphrate à Mari. Certains textes nous révèlent l'existence de messagers spécialisés. Par exemple, Nursin écrit à Zimrilim depuis le royaume d'Alep, « Yesmaradou, un serviteur de Hammurabi, il s'agit ici du roi d'Alep, qui va toujours comme envoyé chez Monseigneur. » Donc, ce messager Yesmaradou, il est chargé régulièrement de faire la navette entre Alep et Mari. Et donc, il connaît particulièrement bien les interlocuteurs et c'est quelqu'un qui peut aider, bien entendu, à la discussion à distance entre les rois. Je passe maintenant à la question des relais. On a une lettre de Hammurabi, cette fois le roi de Babylone, envoyée au gouverneur de Mari, Bardilim, qui montre l'alternative entre l'utilisation de messagers de bout en bout ou bien la nécessité d'un relais. Je cite « Voilà que d'autre part, j'ai fait porter une tablette pour Zimrilim. » Autrement dit, Hammurabi a envoyé une lettre à Bardilim en personne et en même temps, il y a une lettre destinée au roi de Mari. Et le roi continue « Si tu fais continuer leur route aux soutéens que je t'ai expédiés, donne-leur de quoi s'équiper et expédie-les chez Zimrilim. Si tu ne fais pas poursuivre leur route aux soutéens que je t'ai expédiés, fais porter toi-même cette tablette à Zimrilim. » Autrement dit, tu peux faire continuer leur route à mes envoyés, je ne réclame pas qu'ils reviennent tout de suite chez moi, ou bien tu peux utiliser le service de poste du roi de Mari. C'est à toi de voir, et ça s'explique parce que au moment où cette lettre a été écrite, Zimrilim se trouvait à Ougarit, donc bien loin de sa capitale, et donc évidemment, ce que je comprends du non-dit de la lettre, c'est « je ne t'oblige pas à me renvoyer mes messagers tout de suite, mais enfin, tes messagers seront certainement beaucoup plus capables de rejoindre le roi parce qu'ils savent exactement où ils se trouvent. » Cela dit, les soutéens, c'étaient des nomades qui avaient l'habitude de parcourir l'ensemble du Proche-Orient, et donc il n'était pas du tout impossible que d'aller de Mari jusqu'à Ougarit soit quelque chose qu'ils aient déjà fait et qui ne leur posait pas de problème. Un exemple de relais en période de guerre. Maintenant, je te fais apporter une lettre qui est destinée à Waratsin, que des courriers à Likoutoum la prennent et la portent à Waratsin. qu'il prenne pour moi la réponse à cette lettre, fais-la moi porter. Donc on voit bien que le personnage à qui la lettre est adressée servira d'intermédiaire et les messagers feront de part et d'autre le trajet. Il y avait des relais qui étaient bien organisés, mais parfois, on est obligé d'improviser parce que les messagers sont tout simplement trop fatigués pour continuer leur route. Les messagers de Khalil Radoun me sont arrivés de chez les Bédouins. Ces hommes étaient épuisés, aussi les ai-je gardés, et la tablette dont on les avait chargés pour Monseigneur, ainsi que la tablette dont on les avait chargés pour moi, je les ai fait porter chez Monseigneur sous scellé. Et donc on voit bien ici l'intérêt des relais, ça permet d'aller plus vite dans l'acheminement du courrier, les porteurs n'ayant pas à faire de pause. Le mélange entre les différents types de courriers, d'une part, les messages écrits et oraux, d'autre part, peuvent donner lieu à des situations d'une très grande confusion. Et je vais essayer de vous résumer le plus clairement possible une affaire qui a été jugée très complexe et confuse par les intéressés eux-mêmes. Dans un premier temps, le roi Zimrilim avait envoyé à Kibridagan, le gouverneur de Terka, une lettre où il lui demandait d'envoyer un personnage qui s'appelait Yahadoum et qui habitait la petite localité de Sahri. Deuxième moment, Kibridagan envoie deux messagers à son voisin Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, parce qu'en fait la ville de Sahri ne se trouve pas dans son district, mais dans le district voisin. Et donc, Yakimadou est chargé d'écrire à Yaparlim, qui est le maire de la ville de Sahri. Et il semble qu'à ce moment-là, il y a eu un problème et que le nom de l'habitant ait été modifié. Mais vous allez voir que c'est là tout le problème. Il semblerait qu'on ait demandé que ce soit un certain Yadirhaboum, et non pas Yahadoum, ça se ressemble, mais c'est pas pareil, qui soit recherché. Alors, le Yaparlim répond en disant « Désolé, mais il n'y a personne du nom de Yadirhaboum chez moi ». Et Yakimadou fait suivre la tablette de Yaparlim à Kibridagan, qui la transmet au roi. Le roi, pas content, réprimande Yakimadou, et Yakimadou proteste dans ces termes que je cite « Monseigneur m'a écrit en ces termes. Moi, je t'ai écrit à propos de Yahadoum, habitant de Sahri, mais toi, tu m'as écrit à propos de Yadirhaboum. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Aucun courrier n'est venu ici. Deux hommes de Terka sont venus et ils m'ont dit ceci, Kibridagan nous a envoyé chez toi rapidement pour dire, écris à Sahri afin qu'on y recherche Yadirhaboum et envoie-le-moi. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et aussitôt, j'ai envoyé deux serviteurs à moi chez Yaparlim, le maire de Sahri. Cet homme m'a écrit en ces termes. J'ai fait le tour de la circonscription, mais il n'y a pas de Yadirhaboum. J'ai respecté l'ordre sacro-saint de Monseigneur, mais ceux qui connaissent Yahadoum ne l'ont pas respecté. Alors la fin, très clairement, met en cause Yaparlim, qui devait très bien savoir que c'était Yahadoum qui était recherché, mais qui s'abrite derrière le fait que moi, on me demande Yadirhaboum, Yadirhaboum ne connaît pas. La lettre est intéressante parce que l'argumentaire de Yakimadou est à analyser à plusieurs niveaux. D'abord, il y a un reproche indirect au roi. Pourquoi le roi a-t-il écrit à Kibridagan et non pas directement à lui-même ? Aucun courrier n'est venu ici. C'est le premier point. Et ensuite, la question, elle est de savoir qui a commis l'erreur. Et là, très astucieusement, Yakimadou, vous voyez, ne nous donne pas de clé. Ou bien c'est Kibridagan qui s'est trompé lorsqu'il a donné ses instructions orales à ses messagers, ou bien ce sont les messagers qui se sont trompés lorsqu'ils ont délivré leur message. Et là, Yakimadou se garde bien de trancher, Mais vous voyez que la suite, au contraire, a lieu par écrit. Et c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant de voir que la communication entre le maire de Sarri et son gouverneur va se passer par écrit, alors que il a reçu des messagers qui lui envoyaient un message oral. Donc un texte qui est bien intéressant pour voir que la circulation de l'information pouvait donner lieu à des quiproquos parfois bien embêtants. Si l'on termine ces considérations sur la différence entre transport de bout en bout par une personne ou relais, eh bien, on doit se poser la question du rapport entre la mise par écrit des messages et le type de transport. En effet, on pourrait dire que, précisément, on a choisi d'écrire les lettres pour permettre qu'on n'ait pas à utiliser un messager de bout en bout. Du fait que vous avez une tablette écrite, eh bien, on pourrait se dire que on peut transporter la lettre par relais sans qu'il y ait une seule personne qui fasse tout le trajet. Mais on peut aussi réfléchir à cette situation dans un autre sens, en sens inverse. La segmentation du transport pourrait en fait être la conséquence de la mise par écrit du message. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis les lettres par écrit, eh bien, on s'est rendu compte que pour que les tablettes aillent plus vite, c'était plus simple de faire un système de relais. Donc ce ne serait pas le but, mais la conséquence. Pour dire les choses trivialement, j'ai un peu le sentiment qu'on se retrouve ici devant le dilemme de l'œuf et de la poule, et je vous laisse donc réfléchir sur cette question qu'il me paraît difficile pour l'instant de trancher, et on passe directement à une question très grave qui est celle des dangers du transport. Sam Siadou, dans une lettre à Kouwari, qui était en poste à Chicxaboum, dans la région du Kurdistan irakien, lui explique qu'il ne peut pas lui faire porter de cadeaux parce que les messagers doivent circuler en cachette. Je cite, « Les routes sont dangereuses et les messagers circulent seulement en se cachant. Lorsque tu me rencontreras, je te donnerai le présent correspondant à tes bonnes actions. » Autrement dit, il n'est pas question, dans ces conditions, de charger les messagers avec des présents qui les auraient encombrés, ralentis et gênés dans leur mouvement. Quelles précautions doit-on prendre ? D'abord, des précautions d'ordre religieux. Il faut s'assurer, par l'intermédiaire des devins, que les messagers peuvent arriver sains et saufs. On a beaucoup de lettres qui en parlent. Par exemple, cette lettre du devin Askoudoum, « J'ai pris les présages pour le salut des messagers, ils ne sont pas bons ». De rechef, je les prendrai pour eux. Lorsque les présages seront devenus sains, je les expédierai. Autrement dit, on retient les messagers tant qu'on n'a pas eu le feu vert des dieux. Et la situation pouvait parfois s'éterniser, comme le montre cette lettre d'Ilin Numujda à Zimrilim. Naguère, mon seigneur m'a parlé relativement au fait de retenir l'expédition de Katna. J'empêche ces gens de partir depuis 5 jours. Et leurs agneaux, à force d'interrogations oraculaires, viennent de s'épuiser. Si cela agrée à Monseigneur, qu'il m'écrive, afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir, ils sont dans le plus complet désarroi. Une caravane est partie il y a 3 jours, il faut que ces gens partent avec la prochaine caravane. Donc des gens qui sont retenus tout simplement parce que les présages sont défavorables. Alors, on voit que Idin Mujda demande au roi de passer outre, hein, si cela agrée à Monseigneur, qu'il m'écrive afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir. Et c'est quelque chose qui peut nous paraître un peu étonnant, de se dire que le roi peut donner l'ordre qu'on passe outre au présage. Eh bien, on retrouve cela dans une lettre d'Ishmedagan à Yasmaradou. « Lorsque tu me feras porter cette lettre, donne des ordres stricts pour qu'on la fasse protéger durant le transfert. » C'est la fameuse lettre à laquelle j'ai déjà fait allusion qui doit décrire en détail une bataille qui a eu lieu. « Fais prendre les oracles pour le salut des porteurs de cette lettre. Ou bien que 30 de tes serviteurs les escortent jusqu'au fleuve et qu'ils retournent ensuite chez toi. » Donc l'alternative nous paraît très curieuse. Hein. Ou bien on a des oracles favorables, ou bien on prend le risque de partir quand même. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'il y a 30 escorteurs, donc on prend vraiment des précautions. Le problème de la fiabilité des messagers se posait naturellement, et j'ai déjà cité un cas où la délivrance du courrier a donné lieu à une erreur. Je voudrais surtout souligner la discrétion à laquelle les messagers étaient tenus, et on voit que, dans certains cas, on peut parler de véritable trahison. Autre chose, au sujet de l'individu qui a servi de guide à Itzinabou, le messager des Chnouna, Monseigneur m'a envoyé le message suivant. Cet individu a révélé à Itzinabou, messager des Chnouna, toutes nos décisions. Fais-le entrer à l'ergastule, donc une sorte de prison. Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Je me suis renseigné à son égard. Il n'est plus à Marie. J'ai donc aussitôt envoyé des ordres en bonne et due forme au maire et à leur lieutenant. Donc ici, ce n'est pas le messager qui trahit, mais son accompagnateur. Il n'avait sans doute pas la conscience tranquille, puisqu'il a pris ensuite la poudre d'escampette et on n'arrive pas à mettre la main dessus. Ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas voulu prendre le risque de rentrer et d'être mis en prison. En dépit donc des précautions que l'on pouvait prendre, il y avait des échecs, c'est-à-dire des lettres qui étaient interceptées en période de conflit. On voit parfois Zimrilim lui-même donner des ordres en ce sens. À propos d'Ascouradou, il s'agit du roi de Karana, Monseigneur m'a écrit en ces termes, pourquoi les tablettes d'Ascouradou continuent-elles de passer et ne les saisissez-vous pas? Voilà ce que Monseigneur m'a écrit. Donc ça revient à donner un ordre, ce type d'interrogation. Au moment de la guerre entre Zimrilim et un certain nombre de rois yaminites, eh bien, cinq lettres écrites par des devins au prince Soumoudabi de Michlan ont été interceptées et transmises au roi de Marie. Les identifier n'a pas été évident parce qu'elles étaient écrites à Monseigneur, selon l'usage de l'époque, et c'est simplement parce que dans une de ces lettres, Zimrilim était mentionné par son nom en tant qu'ennemi que Jean-Marie Durand avait pu repérer ce cas. Et c'était la première fois qu'on pouvait constater qu'on possédait dans les archives de Marie des lettres interceptées, et du coup, on s'est rendu compte qu'il y en avait toute une série d'autres qui n'avaient pas été repérées en tant que telles. On a vu Zimrilim donner l'ordre d'intercepter du courrier. On voit ici que y a du courrier qui a bel et bien été intercepté et qui se trouve dans les archives de Marie. Mais Zimrilim a lui-même été victime de cette pratique, comme l'indique le gouverneur de Sagaratum, Yakimadou. C'est quelqu'un d'une localité qui s'appelle Nouabou qui a transmis au roi de Kourda une enveloppe contenant un message de Monseigneur. Et on est dans une période où il y a une hostilité entre les rois de Marie et de Kourda, donc on a bel et bien affaire à un détournement, une interception. Pour éviter cela, dans certains cas, le messager n'a qu'une solution, c'est de rebrousser chemin. C'est ce qu'indique Yassimel dans ce document. « Concernant le fait que mon rapport a tardé à parvenir à Monseigneur, le pays a été en guerre et mon messager n'a pas pu passer. De ce fait, le présent rapport a été retardé jusqu'à maintenant. » Ce qui est amusant, bien entendu, c'est que cette lettre n'est pas la première lettre qui a été envoyée. Manifestement, il y a eu une actualisation et une sorte de post-scriptum qui a été ajouté. Un cas d'interception intéressant montre que le messager ne portait pas seulement des tablettes. Dit à Sinenaya, ainsi parle Samiya. Précédemment, j'avais fait écrire une tablette, je l'avais remise à Aya Ahum et Ahum Lumu, et je les avais dépêchés. Mais en route, on s'est emparé d'eux. Maintenant, je viens de recommencer. J'ai fait écrire sur une tablette une copie du message antérieur et je l'ai fait porter. Et je saute un passage, et ensuite vient cette indication pour nous intéressante. Naguère, j'avais remis 12 mines d'argent à Aya Ahum, et on vient de le piller en route. Autrement dit, le malheureux Aya Ahum, on lui a retiré non seulement les tablettes dont il était porteur, mais aussi l'énorme somme de 12 mines d'argent. Mais la lettre ne s'arrête pas là. Par ailleurs, Samsiyam a envoyé le message suivant. Écrit chez Moutou Koumri, l'intendant de Kabra, pour qu'il pourvoie la maison en grains, en céréales bouroum et en sésame. En fait, je venais d'envoyer des tablettes à Moutou Koumri et Samsiya, mais on s'en est emparé. Et la lettre se termine en disant « En outre, écris-moi réponse, quelle qu'elle soit, aux tablettes qu'on t'a apportées. » Alors on sait que à ce moment-là, Samia, l'auteur de cette lettre, était assiégé dans Choubat-en-Lille. Et manifestement, sa nouvelle tentative n'a pas eu plus de succès que la précédente, puisque cette lettre s'est retrouvée dans les archives de Marie, et par conséquent, elle a été, elle aussi, interceptée. Et sa pauvre épouse, Sinenaya, donc, attendait vainement du courrier, et son mari Samia lui envoyait lettre sur lettre, et à chaque fois, ses messagers se faisaient prendre par les troupes du roi de Marie, et la tablette arrivait au palais de Marie. Jusqu'à présent, on a vu donc que c'était des messagers qui étaient interceptés. Mais par ailleurs, nous savons que les marchands disposaient d'un privilège qui leur permettait de circuler librement en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Et donc la tentation était grande, bien entendu, d'avoir recours à leur service pour faire passer du courrier. Mais il pouvait arriver que ces marchands soient fouillés et que des lettres dont ils étaient porteurs soient confisquées. Par exemple, Mebtoum a fait fouiller une caravane de marchands venus d'Eshnouna et il rend compte au roi en disant « Je les ai fouillés à la recherche de tablettes en me disant « Il n'est pas impossible qu'ils fassent passer des tablettes pour quelque part ». Il y a d'autres témoignages de cette pratique. Par exemple, une lettre encore inédite de Laoum à Yasmaradou qui écrit ceci « Les marchands qui portaient la tablette de Soumouépour, le roi d'Alep, à Eshnouna, transportaient de l'huile de bonne qualité, comme de la marchandise, ils la transportaient. J'ai donné des ordres stricts dans la région de Yablia et en amont, et ils ont pris ces hommes, ainsi que la tablette de Soumouépour qu'ils transportaient à Eshnouna. » Autrement dit, on a une caravane qui descend l'Euphrate. « À présent, je fais conduire ces hommes et la tablette de Soumouépour à Monseigneur. » Donc là, voilà un cas d'interception réussi. Une autre lettre de la même époque est tout à fait intéressante. Samsiadou voulait empêcher la tribu des Yaïlanoum d'avoir un contact épistolaire avec le roi des Chnouna. Et donc, il fallait arrêter tous ceux qui circuleraient sans autorisation. Le Yaïlanoum ne va pas manquer d'écrire au sire des Chnouna. « Fais barrage !» Fais-le tant du côté de la limite stépique que du mont Ébir. Installe des patrouilleurs. Fais prendre et entrer à l'ergastule les messagers qui circuleraient sans demander l'autorisation ou les marchands qui circuleraient sans demander l'autorisation. Il est vraisemblable qu'ils vont se plaindre bruyamment. On doit quand même s'en emparer. Donc on voit des marchands qui vont protester de leur statut d'immunité, n'est-ce pas ? Et pas question, on les met quand même en prison, l'affaire est trop grave. Et ici, marchands et messagers sont soumis au même traitement. Et lorsqu'on a conscience de cette immunité des marchands, eh bien, on comprend mieux l'étonnement du roi de Katna qui ne reçoit plus aucune nouvelle de Marie et qui écrit ceci. « Depuis le jour où j'ai appris cela, j'ai perdu tout courage. En effet, il n'y a plus de messagers de toi qui montent vers moi depuis longtemps. » La première fois, mon cœur n'avait pas porté foi à ces dires. Par la suite, mon cœur y a cru, étant donné qu'un messager de toi ne montait plus à moi. Déjà auparavant, lorsque les Touroukéens s'étaient livrés à des actes hostiles à l'intérieur du pays, vos messagers et les miens, vous les aviez retenus chez vous, vous ne laissiez même pas de marchands monter ici. Il n'y avait personne pour me renseigner. Aujourd'hui de même, les Touroukéens viennent d'interrompre le pas de mes messagers et celui des vôtres, aussi ai-je prêté foi à ces bruits. C'est une période dramatique dans l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie avec une révolte de ces Touroukéens. Et donc, la phrase qui m'intéresse ici, c'est « Vous ne laissiez même pas de marchands monter ici ». Donc, c'est le dernier point dans la rupture des relations et de la circulation des informations. Une lettre intéressante de Menihoum rappelle au roi sa conduite antérieure. « Il y a 2 ans, lorsque sont arrivées les tablettes du fils d'Amibadar depuis Eshnouna, et qu'il tentait de les faire passer par l'intermédiaire d'un marchand de façon dissimulée, je me suis emparé de ces tablettes et elles ont été ouvertes. Et aussitôt après que je les ai entendues, je les ai envoyées chez Monseigneur. Yassidagan les a lues en même temps que moi. » En écoutant la nouvelle contenue sur ces tablettes, j'aurais vraiment commis un crime de lèse-majesté. Et ensuite, il se sert de ce parallèle pour dire aujourd'hui, on m'accuse de collusion avec l'ennemi, mais j'ai bien prouvé à quel point je me conduisais bien. Les rois savaient parfaitement le risque qu'ils encouraient lorsqu'ils confiaient à l'écrit leurs messages. On y reviendra dans un prochain cours. Et Shaddoum Labua, roi d'Ashnakoum, pour se disculper d'accusations qu'il juge calomnieuses, énumère les fautes ou les imprudences qu'il aurait pu commettre. Et dans cette énumération, on a cette protestation. « Ai-je écrit à une ville ennemie et a-t-on intercepté mes tablettes ?» Donc ça montre bien que la pratique était courante. Le dernier point qu'il nous faut maintenant voir, c'est la question de savoir si on doit laisser passer des messagers ou si on doit les retenir. Bertrand Laffont avait très bien expliqué la coexistence de deux types de mouvements de messagers, qui sont désignés par deux mots différents. On a d'abord le mot « territum », sur la même racine que le verbe « terum » qui veut dire « s'approcher ». Qu'est-ce que c'est qu'une territum ? C'est un groupe de messagers qui veulent rencontrer le roi, que la capitale de celui-ci soit leur but ultime ou seulement une étape dans un déplacement plus grand. Et cela s'oppose à l'étictum, qui est construit sur la même racine que le verbe « etecum » qui veut dire « traverser ». Une étictum, au contraire, c'est un groupe de messagers qui traverse un royaume sans désir de s'y arrêter. Mais dans ce cas-là, la question est de savoir quel est le rapport du roi qui les envoie avec le roi dont ils traversent le territoire et qu'ils ne souhaitent pas rencontrer. Et dans certains cas, ces rapports sont loin d'être bons. Du coup, ces messagers peuvent être arrêtés en route. Et c'est ce que montre, parmi bien d'autres, cette lettre adressée par Halourabi, qui était sur le Moyen-Euphrate, au niveau de l'île de Beijan, en aval de Hanat, l'île de Sapiratum dans l'Antiquité, qui écrit à Meptum, qui est le responsable de la région. Autre chose, Yapiradou et deux serviteurs, messagers d'Ishmedagan, trois messagers babyloniens, un messager arapréen, deux messagers, le nom de la ville est perdu, porteurs d'un ours, m'ont rejoint venant d'Ashur. Il se dirigeait vers Babylone. Autrement dit, on a affaire à un mouvement qui est un mouvement nord-sud, qui traverse le territoire du Souroum, mais il ne demande pas à s'arrêter. Ils sont retenus à Sapiratum par deux vers moi. Écris-moi ce qu'il doit en être. Tant que tu ne m'auras pas fait porter une réponse à ma lettre, je ne laisserai pas ces messagers aller à Babylone. Fais-moi porter rapidement une réponse à ma lettre. Donc ce Halourabi a peur que, dans une période de tension entre Ishmedagan et le roi de Marie, eh bien, il puisse y avoir une demande d'aide militaire envoyée au roi de Babylone et, par conséquent, il veut des instructions. On pourrait multiplier les citations de ce genre, mais il nous faudra passer à la dernière étape, à savoir les modalités selon lesquelles les lettres étaient lues. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 juin 2017 Dominique Charpin. Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance. Aujourd'hui, comment les lettres étaient-elles acheminées ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Je rappelle également le lien vers Archilab, la base de données internationale qui présente les archives babyloniennes des 20e, 18e siècles avant notre ère. Dominique Charpin a notamment publié « Lire et écrire à Babylone au PUF » en 2008 et plus récemment « Aux belles lettres avec le Collège de France, la vie méconnue des temples mésopotamiens ». Un grand merci à Annelie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de l'assyriologue Dominique Charpin son interrogation de l'art d'écrire et d'acheminer les lettres à l'époque paléo-babylonienne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.